Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est parti pour une heure de découverte scientifique avec Futur Simple. Au programme aujourd'hui, nous retrouverons Frédéric Bouchard, professeur au département de géomatique appliquée à l'Université de Sherbrooke et aussi conteur d'histoires et d'aventures scientifiques en géologie. Aujourd'hui, il racontera comment Louis et Walter Alvarez, respectivement père et fils, l'un physicien, l'autre géologue, ont découvert le fameux cratère de Chicxulub, celui de l'astéroïde qui a mis fin au règne des dinosaures. Ce sera à 18h30. Mais avant cette enquête géologique, je vous propose une autre quête, celle des ondes gravitationnelles. Si vous vous souvenez, la première détection d'une onde gravitationnelle a lieu en 2015, c'était il y a 9 ans déjà. Depuis, les observations se sont multipliées, un nouveau champ de recherche en astronomie s'est ouvert et l'exploration de ce champ de recherche demande de nouveaux détecteurs plus puissants. On en parle avec l'astrophysicien Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, Valérie. Alors, Jean-René, on parle des ondes gravitationnelles, mais je pense que c'est important de faire un petit retour sur ce que sont ces ondes gravitationnelles, comment elles se forment. Les ondes gravitationnelles sont probablement un des phénomènes physiques les plus étranges de la science contemporaine. Elles sont une prédiction, maintenant observée, une prédiction de la relativité générale. À peu près 2 ans après ces fameux articles sur la théorie, Einstein est revenu avec la possibilité que l'espace qu'il imaginait comme quelque chose qui pouvait être modifié par la présence de masse pouvait peut-être aussi vibrer. Donc, c'est comme quelque chose, si vous le faites plier, peut-être que vous pourriez le faire vibrer. C'est quelque chose où il a cru, jusqu'à son décès, être un effet peut-être d'erreur de calcul, de système. Donc, lui-même a été dubitatif jusqu'à la fin. Et ce n'est que 1 ou 2 ans après son décès que des physiciens ont montré que oui, ça pouvait possiblement exister cette vibration de l'espace due à la présence de masse, par exemple, qui bouge, de masse qui se contracte soudainement, comme dans l'effondrement d'une supernova, et surtout de masse considérable, comme plusieurs fois la masse du Soleil, si on considère des étoiles, qui viennent se fusionner ensemble. Donc, c'était jusqu'aux années 60, en fait. C'était une considération d'abord dont on doutait dans la foulée d'Einstein, mais aussi pour les... Oui, et pour lesquels on n'avait aucune idée que ça pouvait être mesurable. Oui, c'est ça, on ne savait pas trop comment le mesurer, mais justement, donc comment on le mesure, comment on détecte ces ondes? Donc, c'est quelque chose, en fait, quand on s'y met à penser, c'est quelque chose qui est assez farfelu. Que l'espace peut vibrer, parce que pour nous, dans la foulée de tout ce qu'on a appris, s'il y a quelque chose d'assez rigide, structuré, c'est l'espace. On se préoccupe de la fiabilité de nos unités de mesure et tout, mais là, c'est quelque chose qui dépasse tout cela. Donc, la première idée que les ondes gravitationnelles pouvaient exister provient d'une observation d'une paire d'étoiles atrophiées, qu'on appelle étoiles à neutrons, vestiges d'étoiles évoluées, en orbite l'une autour de l'autre. Et deux physiciens, radioastronomes, avaient observé dans les années 70 une paire. Ils avaient remarqué que la période de révolution entre du système, l'une par rapport à l'autre, une étoile à neutrons par rapport à l'autre, la période s'allongeait régulièrement et à un rythme qui correspond exactement à la prédiction que faisait la théorie de la relativité générale lorsque des masses sont en orbite autour de l'autre, vont émettre de la radiation, comme des charges électriques qui passent l'une à côté de l'autre vont émettre du rayonnement. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais peut-être que on pourrait observer. Et l'observation, on s'est dit, pourrait se faire en mesurant un changement de longueur entre deux objets qu'on pourrait placer à une certaine distance. Et tout le défi était là, et cette technique s'est révélée correcte. Donc, la technique qu'on a développée après plusieurs essais de d'autres approches qui n'ont pas été fructueuses, c'était justement d'utiliser un système basé sur un interféromètre où on a essentiellement deux bras, deux cavités lumineuses en forme de L, très long, quelques kilomètres, et chacun des tubes, entre guillemets, sous vide, est rempli de lumière laser de fréquences très, très précises et qu'on peut faire interférer. Donc, si il y a une variation, entre autres, d'un membre du L de cet interféromètre par rapport à l'autre, et ce qui est prévu par une onde gravitationnelle qui passe, c'est qu'un bras va se raccourcir légèrement pendant que l'autre va s'allonger et il y aura une certaine pulsation, on pourra détecter ça comme une variation d'intensité lumineuse qui est permise par le type de lumière qu'on a dans les deux dites cavités en forme de L. Donc, cette hypothèse d'un interféromètre à grande échelle pour détecter grandes ondes gravitationnelles a été proposée par des physiciens russes et des physiciens américains. Mais le problème, c'est que le changement de longueur d'un bras par rapport à l'autre était infime, Ouais, c'est de ça. l'ordre du diamètre d'un proton. C'est ridiculement petit, c'est même pas imaginable. C'est ridiculement petit, c'est comme la variation de la distance Terre-Lune du diamètre d'un atome. Et la prouesse réalisée demeure encore estomacante. Ce qui est le plus étonnant du point de vue sociologique, c'est que les physiciens aient réussi à pousser cette idée dans les années 90 et à faire financer par la National Science Foundation la construction de deux interféromètres qu'on appelle LIGO, Laser Interferometer for Gravitational Wave Observatory, et qui ont été construits, un en Louisiane et l'autre dans l'État de Washington, près de la petite ville de Hanford. Deux endroits que j'ai visités plusieurs fois dans les dernières décennies. Effectivement, Donc, il fallait réussir à convaincre bon, les agences là, de dépenser une somme quand même assez importante pour détecter un pouillème de distance. C'était pas oui. évident. Donc, c'était quand on regarde à reculons, d'ailleurs, quand je parle avec mes collègues encore aujourd'hui, parce que je suis très impliqué dans la gestion des deux LIGO, ils se disent souvent qu'aujourd'hui, on a tellement peur des risques que probablement un tel projet aujourd'hui ne serait pas financé. Ah Dans l'inconnu où on était, d'abord, est-ce qu'elles existent, ces ondes gravitationnelles? Et est-ce qu'on peut les mesurer? Et si on peut les mesurer, est-ce qu'il y a des événements dans l'univers qui vont en produire suffisamment pour qu'on puisse en détecter? Parce qu'il faut des masses considérables, et c'est ce qui s'est révélé être le cas. On a observé, en fait, depuis 2015, plusieurs fusions de systèmes binaires de trous noirs, chacun ayant de l'ordre de 10 à presque 30 masses solaires chacun. Donc maintenant, c'est devenu ces observations sont devenues des phénomènes récurrents. Là, on observe régulièrement, c'est pas considéré comme un événement rare. Donc, au début, on a eu un coup de chance phénoménal en septembre 2015. L'événement qui a été détecté a été le plus fort et le plus intense de tous les événements détectés depuis ce moment. On est devenu beaucoup plus habile à identifier les signaux. À l'époque, il fallait d'ailleurs avoir détection et on l'a eu d'au moins deux systèmes, ce qui était le cas tant le système de Louisiane que je vous décrivais, que celui de Hanford dans l'État de Washington, ont détecté à une fraction de seconde d'intervalle l'arrivée de ce pulse qui a duré de l'ordre moins d'une seconde, qui était dû à la fusion de deux trous noirs à une distance d'environ 1,4 milliard d'années-lumière. Donc, quelque chose d'assez étonnant qu'en fait, ce pulse d'onde gravitationnelle se propageait dans l'univers et nous, on a été là juste au bon moment, 1,4 milliards d'années un peu plus tard. Donc, oui, en effet, on était extrêmement prudent au début pour dire c'est un signal qui est dû à un effet d'onde gravitationnelle parce que dans l'environnement, que ce soit du point de vue sismique et de toutes sortes de bruits, entre guillemets, périphériques, peuvent causer certains signaux qui peuvent paraître comme une onde gravitationnelle. Mais à l'heure actuelle, la technologie est très avancée et même on peut maintenant reconnaître le signal sans que ce soit deux observatoires qui l'observent en même temps. Donc, parfois, les deux observatoires ne sont pas en fonction. Et plus récemment est entré en fonction un autre observatoire gravitationnel qu'on appelle Virgo, qui est un observatoire européen construit près de Pise. On en a maintenant trois. Et les délais d'arrivée du signal peuvent permettre de positionner le signal dans le ciel. Ah ouais, c'est important d'avoir ces détecteurs à différents endroits sur la planète. Oui. C'est exactement, on peut faire un effet de triangulation pour le positionner dans le ciel parce que c'est un peu comme finalement, vous êtes là, vous avez un signal qui semble vous avez un seul détecteur, le signal vous semble vous arriver de toutes les directions. Vous n'avez pas d'idée de quelle direction il vient. Vous ne le voyez pas comme un flash dans une direction, vous voyez un peu comme vous étiez dans un environnement pour. Je fais l'analogie avec le son, comme si les sons venaient de partout. Mais si vous avez un son qui vous semble de venir de partout, mais si vous avez quelqu'un, un ami qui est, disons, à une centaine de mètres de vous, et puis qui peut, en fait, avec le délai du son d'arrivée, peut positionner un peu mieux. Si vous êtes trois, c'est encore mieux. C'est l'effet de triangulation à trois bases. Là, on peut positionner dans le ciel. Donc, juste pour des détails techniques, je parlais de construire ces observatoires, des interféromètres d'ailleurs qui doivent être très longs pour des raisons physiques de mesurer le signal voulu. Dans le cas de LIGO, les deux bras de l'interféromètre, chacun mesure 4 km. Dans le cas de Virgo, les deux bras mesurent chacun 3 km. Donc, le Virgo est un peu moins sensible encore que les LIGO. Et il y a un autre détecteur qui entre en ligne bientôt, construit au Japon, lui entièrement souterrain, plus petit, juste quelques kilomètres. Et lui, il fonctionne avec l'avantage d'être refroidi. On refroidit les miroirs, ça augmente les sensibilités. Donc, avec quatre LIGO, on arrive véritablement à une ère d'observatoire d'ondes gravitationnelles, ce qui, il y a une trentaine d'années, aurait été un rêve presque un peu fou. Ah oui, puis justement, Jean-René, vous disiez, c'est quand même des investissements assez phénoménaux. Bon, maintenant, on sait que ces ondes existent, sont détectables, mais qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur l'univers? Qu'est-ce qui justifie ces investissements massifs? Qu'est-ce que ça nous apprend, ces ondes gravitationnelles, par rapport aux télescopes existants, par exemple? Donc, juste pour donner les factures, LIGO, les deux LIGO au fil des ans ont coûté de l'ordre d'1 milliard de dollars. Donc, c'est à peu près, c'est un dixième du coût de James Webb. Donc, c'est une bonne facture. Et comme dans le cas de la plupart des grands projets, l'investissement a été dans ce cas-ci surtout américain, pour Virgo, surtout européen, mais avec des contributions de gens de plusieurs pays, même de l'Asie et de l'Australie. Donc, au point de vue contribution financière, l'effort déployé sur plusieurs années et en parallèle avec du développement de beaucoup de technologies périphériques qui ont été intéressantes et qui rebondissent maintenant dans la vie courante, l'investissement, on peut le considérer comme étant favorable. Maintenant, astrophysiquement, c'est une excellente question. On s'attendait, enfin, on a construit les LIGO, on s'attendait que ce qu'on allait détecter, c'était des fusions de paires d'étoiles à neutrons. Donc, les étoiles à neutrons, ce sont des noyaux restants d'étoiles évoluées qui ont finalement, qui se sont effondrés sur eux-mêmes pour former des petits blocs de neutrons, hein, de la grosseur de la Terre. Donc, leur masse est l'équivalent de celle du Soleil. La densité est colossale. Et ces étoiles à neutrons sont la source d'un phénomène radio qu'on connaît bien, ce sont les pulsars. Donc, par rotation et tout, ils ont une orientation comme telle qu'ils vont émettre, enfin, un signal pulsé extrêmement précisément relié à leur période de rotation. Et on en observait depuis le début des années 70 un assez grand nombre. Et on avait développé des statistiques pour finalement dériver qu'on devrait observer des paires d'étoiles évoluer en paires de pulsars étoiles à neutrons qui, elles se rapprochant, viendraient qu'à se fusionner. On devrait observer un assez grand nombre de fusions d'étoiles à neutrons. Et c'est ce à quoi on s'attendait. Le signal qu'on reçoit gravitationnel permet de dériver plusieurs paramètres, entre autres la masse des objets qui se fusionnent. Je ne rentrerai pas dans les détails pour dériver, pour pouvoir vous expliquer comment on dérive ces paramètres-là, comme même la distance. Donc, et grande surprise, ce qu'on détecte en très, très grande majorité, la centaine d'événements, c'est pratiquement 98% des fusions de trous noirs. Ah oui. Donc, première grande surprise, les paires de trous noirs massifs Ouais. sont beaucoup plus abondantes dans l'univers qu'on avait imaginé. Donc, ça nous amène à nous poser des questions sur la formation des étoiles très massives, parce qu'on observe des paires de trous noirs, disons de l'ordre de 20 fois la masse du Soleil, même de 50 fois la masse du Soleil. Le record, c'est presque 100 fois la masse du Soleil, étonnamment massif. D'ailleurs, la théorie de la formation d'étoiles massives est un peu à reviser dans ce cadre-là. Donc, très grande surprise de voir autant que le plus grand nombre d'événements enregistrés sont des fusions de trous noirs binaires et ces trous noirs-là sont extrêmement massifs. Donc, il y a comme une population d'étoiles très massives qui sont à l'origine de ces paires de trous noirs massifs qui nous est en quelque sorte cachée, qu'on ne voit pas trop à l'heure actuelle et qu'il faut identifier. Donc, mais on demeure à l'affût des paires d'étoiles à neutrons, d'autant plus qu'on pourrait, dans les fusions de paires d'étoiles à neutrons, on pourrait possiblement observer des flashs lumineux associés à la fusion. Un événement intéressant était justement, je pense en 2017 ou 2019, je me trompe peut-être dans les dates ici, la fusion d'un trou noir massif avec une étoile à neutrons. Donc, on pouvait identifier et on a observé en même temps dans le ciel un flash de rayon gamma, un flash de lumineux dont on a pu observer à l'aide, qu'on a pu observer à l'aide de la spectroscopie, dérivé par exemple que dans cet événement, il y avait production d'une grande quantité d'éléments lourds dont on se casserait la tête pour expliquer l'abondance des éléments lourds au-delà du fer, entre autres comme l'or, etc., le platine serait produit surtout dans ce genre de fusion de trous noirs avec étoiles à neutrons et probablement encore en plus grande quantité lors de fusion d'étoiles à neutrons. Donc, de ce que je vois là, c'est qu'il y a la détection de l'onde gravitationnelle, mais qu'on quand même on couple ces observations avec d'autres techniques d'observation pour parce que là le sursaut gamma ou Oui, bon donc on lumineux. c'est ça d'autres techniques d'observation pour multiplier collecter un ensemble d'informations sur un même phénomène, sur un même événement. Exactement, et on a développé toute une batterie de petits télescopes qui observent tout le temps le ciel, maintenant toutes les régions du ciel, pour essayer de voir au moment s'il y a un flash, un sursaut d'onde gravitationnelle dans le ciel. Est-ce que temporellement, il y a eu un flash lumineux qui coïncide en temps exactement avec cet événement. Maintenant, ce que je comprends, c'est que finalement, ces détecteurs-là, dont les bras font 3, 4 km, eh ben, on veut aller plus loin, on veut en construire des encore plus grands. Quelle surprise! Et c'est justement, on a réalisé que pour observer, détecter ces fameuses fusions d'étoiles à neutrons, Système beaucoup moins massif, on parle d'objets de l'ordre de la masse du Soleil, contrairement aux objets de dizaines de fois la masse du Soleil, que sont les trous noirs massifs. Maintenant, on a élaboré finalement des plages de sensibilité qu'il faut développer pour le type de fréquence, intensité du signal, et on a besoin, en effet, d'interféromètres plus gros, plus longs. Et on est arrivé à des designs à l'heure actuelle, tant du côté américain que du côté européen, de toujours fonder sur le même type d'interféromètre, donc deux bras en forme de L, et qui cette fois auraient 20 km ou même 40 km. Ah oui, c'est considérable, il faut trouver les emplacements aussi. Exactement. Donc, on grossit. Et pour l'emplacement pour le cas des États-Unis, ça ne pose pas trop de problème, et non plus en Europe, parce que du côté européen, le projet s'appelle le télescope Einstein. Du côté américain, Cosmic Explorer, l'explorateur cosmique. Donc, on a des sites envisagés, et ici, enfin, on parle de construire les bras, de les mettre sous terre. Un peu comme les Japonais font, un peu comme on fait avec les grands accélérateurs de particules. Par exemple, le grand collisionneur de Hadron du CERN, c'est finalement un cercle de l'ordre de presque 30 km de circonférence. Donc, pour les technologies, en fait, de faire les tunnels pour placer un interféromètre gravitationnel, donc gravitationnel sous Terre, deux tunnels bien droits. Les technologies sont beaucoup moins complexes. Il faut être en terrain de sismicité absolument très réduite Ah oui. pour avoir un contexte environnemental du point de vue bruit qui est favorable. Mais justement, on se demande comment le détecteur au Japon est, comment c'est compatible avec la sismicité du Japon, justement. Vous disiez qu'il y en avait un au Japon. Oui. D'ailleurs, il a été choisi pour être dans une région de faible sismicité au Japon. Un peu étonnant. L'avantage tout de même de certains territoires, comme celui du Japon, c'est que les signaux produits par un tremblement de terre, ils sont reconnaissables. Ouais, sans doute. Donc, le problème n'est pas finalement le type de signal qui produit le bruit, mais c'est que pendant le temps du tremblement de terre, on ne peut pas opérer le détecteur. Ah ouais. Donc, c'est comme en astronomie, on ne peut pas observer lorsqu'il pleut. Donc, c'est assez grave dans le sens suivant, c'est quand il y a un gros tremblement de terre, la terre continue à résonner pendant des jours et des semaines. Nous, on ne le saisit pas, mais les très grands tremblements de terre, comme il y a eu les fameux 9 du Japon, justement, en 2011, ou ceux du Chili dans les années 60, on sait que la terre vibre pendant de l'ordre presque d'un mois après. Donc, un sismographe va enregistrer un signal pendant l'ordre d'un mois. C'est le signal original qui garde la Terre en vibration et aussi les secousses souvent qui suivent le tremblement de terre principal. Donc, il reste qu'il est préférable d'être en zone de sismicité faible pour construire un observatoire d'ondes gravitationnelles. À l'heure actuelle, les deux projets ont des sites identifiés. Les coûts de construction sont tous les deux de l'ordre de 1,6 milliard de dollars américains équivalents. Donc, probablement, ce sera un peu plus. Tout le monde voudrait avoir peut-être un troisième, mais ce qu'on considère deux suffisants, comme les deux mentionnés, le télescope Einstein, Cosmic Explorer, si on garde un autre observatoire du type LIGO en fonction, et l'Inde a un gros projet de faire une copie de LIGO, on sera en mesure de faire les expériences de triangulation pour positionner tout signal qui se produirait. Et aussi, il y a évidemment l'observatoire gravitationnel du Japon qui s'appelle KAGRA. Et pour finir, là, rapidement, Jean-René, donc ces deux projets-là, le Cosmic Explorer et puis le télescope Einstein, est-ce que ce projet, il est juste sur papier ou c'est vraiment planifié et qu'on a déjà des dates? À l'heure actuelle, les discussions sont en cours. C'est la National Science Foundation aux États-Unis a demandé des propositions. Il y a un enthousiasme très grand Ah oui? aux États-Unis de la part même des instances politiques de garder le leadership qu'on a dans le domaine. Et je pense que il y a tous les aspects, je l'ai mentionné brièvement, de certaines technologies qui en bénéficient. Et aussi, déjà à l'heure actuelle, dans un système comme ça, il faut développer des améliorations de ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, on est en train de financer des prototypes à petite échelle, par exemple pour produire le vide requis, parce qu'on diminue la pression atmosphérique énormément. On crée l'ultra-vide, en fait, qui est de l'ordre d'à peu près un trillion de fois de pression atmosphérique plus faible dans ces tubes. Finalement, ce qu'on veut faire, c'est que la lumière qui se propage dans le tube d'un miroir à l'autre, on fait cette espèce de résonance, doit finalement franchir son parcours plusieurs centaines de fois sans rentrer en collision avec une molécule d'air. Donc, garder les photons bien alignés dans l'interféromètre pour produire l'interférence qui est d'une sensibilité extrême pour un signal aussi faible d'enregistrer qui trahit une variation dans la distance entre deux miroirs en suspension. Donc des futures observations à venir dans la prochaine décennie, qui sait? Alors, je vous remercie beaucoup, Jean-René. C'est toujours fascinant de vous écouter parler des nouvelles découvertes de l'univers. Merci beaucoup, Jean-René. Toujours un grand plaisir. Je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien. Il est également auteur de nombreux livres en astronomie, sur l'histoire de l'astronomie et aussi sur la science. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les explorer pour connaître davantage Jean-René Roy. On fait une pause sur CKRL 89.1 et au retour, on part à la recherche du cratère de Chicxulub avec le professeur Frédéric Bouchard. Pour le retrouver au fond de tes yeux.